Madame Marneff voulut être invitée au mariage de Mademoiselle Hulot. Pour voir sa future maîtresse dans son salon, le conseiller d'État fut obligé de prier les employés de sa division jusqu'au sous-chef inclusivement. Un grand bal devint alors nécessaire. En bonne ménagère, la baronne calcula qu'une soirée coûterait moins cher qu'un dîner et permettrait de recevoir plus de monde. Le mariage d'Hortense fit donc grand tapage. Le maréchal-prince de Wissembourg et le baron de Nucingen, du côté de la future, les comtes de Rastignac et Popineau, du côté de Steinbock, furent les témoins. Enfin, depuis la célébrité du comte de Steinbock, les plus illustres membres de l'émigration polonaise l'ayant recherché, l'artiste crut devoir les inviter. Le conseiller d'État, l'administration dont faisait partie le baron, l'armée qui voulait honorer le comte de Pforzheim, allaient être représentés par leur sommité. On compta sur 200 invitations obligées. Qui ne comprendra pas dès lors l'intérêt de la petite Madame Marneff à paraître dans toute sa gloire au milieu d'une pareille assemblée ?